Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. C'est probablement le symbole absolu de la richesse, un objet pour super super riches qu'on appelle des super super yachts, des navires de la taille à peu près d'un terrain de foot qui dans les faits accueillent 3-4 personnes et 50 hommes d'équipage, 25 paparazzi autour. Ces super yachts sont aussi écologiquement et du point de vue des inégalités des super fails. Et d'ailleurs, c'est le super fail de la semaine. En observant ces emblèmes de la dépense ostentatoire, comme le disait le sociologue Thorstein Veblen, on ferait bien de se dire que la croisière ne s'amuse pas du tout. Super fail. C'est l'un des plus grands ports de plaisance d'Europe. Entre Cannes et Monaco, la baie d'Antibes est suffisamment profonde pour accueillir les plus gros yachts du monde. Leurs propriétaires se disputent les 19 places d'exception du quai des milliardaires. Il est réservé à une élite internationale. Ils sont russes, américains ou viennent du Moyen-Orient et ils peuvent dépenser la bagatelle de 270 000 euros juste pour faire un plein. Bonjour monsieur. Les clients sont des Parisiens, laissez. Hommes d'affaires, avocats. Tiens Audrey, tu aides madame s'il te plaît. Voilà, c'est gentil. Je vous en prie. Allez-y. Non, mais la passerelle franchie, les vacanciers ne lèveront plus le petit doigt pendant 2 semaines. Si ce n'est pour trinquer. Au moment, la crise vous prend. Hop, j'ai besoin de me mettre dans l'eau. On s'arrête, capitaine extraordinaire et gentil. Voilà. Voilà, attendez-moi, je vais revenir dans un moment. Exactement. C'est vraiment des vacances de luxe et nous comptons, mes amis et moi, en profiter un maximum. Quand on parle de yacht, on imagine bien de quoi il s'agit, un navire de plaisance particulièrement luxueux, mais quels sont les critères qui transforment un yacht en un super yacht? Comment expliquer la multiplication de ces navires? C'est ce que nous explique Grégory Sall dans Super Yacht, Luxe, Calme et Écocide aux éditions Amsterdam. Il y a une sorte de définition minimale qui est un critère de longueur. C'est avec l'allongement en fait de ces engins qu'on est passé du yacht au super yacht. Alors le critère a été longtemps fixé à 24 mètres et parfois on conserve ce critère aujourd'hui, mais on passe plus volontiers à 30 mètres sous l'effet d'un allongement continu, pour ne pas dire effréné. Et si on regarde un peu, disons, une statistique très simple qui est celle du nombre de super yachts en service, en activité, eh bien, on peut dater la croissance des années 80. Hein. Depuis les années 80, évidemment, ce n'est pas un hasard et c'est une période qui est assez intuitive. On a une croissance soutenue et qui s'est maintenue du nombre de super yachts en service. La multiplication des super yachts depuis les années 80 nous donne ainsi des indications sur l'évolution d'une catégorie bien spécifique d'individus regroupés sous l'acronyme compliqué de UHNWI pour Ultra High Net Worth Individuals ou individus à valeur nette hyper élevée représentant 0,003% de la population mondiale. Le super yacht est une sorte de reflet général de transformations socio-économiques beaucoup plus larges et c'est un reflet à minima de l'explosion des très très hauts revenus et surtout des très très hauts patrimoines ou tout simplement des très grandes richesses. Et ce qui est intéressant, c'est que la hausse dont je parlais du nombre de super yachts en activité n'a pas été démentie par les supposées crises financières et en particulier celles ouvertes en 2007-2008 par la crise des subprimes, puisque même s'il y a eu sur certains aspects des formes, disons, de tassement de certaines logiques, le nombre de super yachts en activité, lui, a continué à augmenter. Alors parmi les propriétaires à valeur nette hyper élevée de ces yachts, certains se font discrets, d'autres moins. L'un de ceux qui s'est fait connaître l'année dernière, c'est un producteur tout à fait célèbre qui s'appelle David Geffen et qui avait fait un peu d'animation sur les réseaux dits sociaux, les réseaux numériques, parce que en pleine pandémie, il s'était réfugié dans son super yacht. en espérant, comme ça, un peu naïvement ou un peu hypocritement, que tout le monde allait bien autour. Et voilà, ça a déclenché l'ire de pas mal d'internautes, puisqu'il y avait un petit côté un peu indécent, pour le dire comme ça, d'afficher en fait sa propre réclusion privilégiée. Certaines demandes sont parfois plus difficiles à satisfaire. Le propriétaire du yacht a ses petites habitudes. Il ne boit qu'une eau citronnée sans sucre que l'on ne trouve pas en France. Il en a réclamé plusieurs packs sur le bateau. Brieux a fait appel à Julia. Elle s'occupe des commandes spéciales. Elle a acheminé par avion les 48 bouteilles d'Angleterre. Mais un détail sur l'étiquette va vite la contrarier. C'est pas le bon. Ça devait être sans sucre. Et ça, c'est pas sans sucre. Les super yachts coûtent entre quelques dizaines et quelques centaines de millions de dollars ou d'euros, selon la devise qu'on comprend. On peut avoir un super yacht pour 10 millions de dollars, à peu près. Hein. Évidemment, ça n'a pas... C'est pas tout à fait quand même un bas de gamme, mais c'est, en tout cas, c'est pas un haut de gamme, hein, ce serait peut-être une moyenne gamme. Et évidemment, d'un côté, il faut dire que c'est énorme, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est dans un univers qui est très très différent des objets de luxe ou de consommation ostentatoire auxquels on pense habituellement, qui va être par exemple le bolide, hein, la voiture de luxe. On voit bien qu'on est dans des ordres de grandeur complètement différents. Et puis en même temps, ce coût-là est en fait presque le moins important, j'allais dire, pour exagérer un petit peu, puisque il faut aussi prendre en compte l'usage, la maintenance. Et là aussi, d'après une moyenne, on considère maintenant qu'il faut débourser à peu près 8 à 10%, hein, en général maintenant on dit beaucoup de 10% par an, pour simplement faire fonctionner le super yacht en question. Et derrière ce phénomène de luxe ostentatoire se cache un bilan écologique désastreux. Écoutons Grégory Salle. C'est un bilan qui est désastreux et c'est un fait peu connu. C'est ça qui est... Ça fait partie des choses intéressantes quand on se penche là-dessus. La dimension des inégalités est évidemment criante, inévitable, hein, on ne peut pas passer à côté. Celle, en revanche, de l'impact écologique est beaucoup moins connue. Et elle est d'ailleurs difficile à mesurer, mais on a quand même quelques indices. Alors, il y a une sorte de quatuor d'universitaires anglophones qui s'est adonné à un exercice tout à fait intéressant, statistique, pour essayer de mesurer, disons, les effets écologiques de la consommation ostentatoire, et qui a pris un certain nombre d'items ou de biens tout à fait révélateurs, comme les voitures de luxe et les super yachts. Alors, ils ont dû prendre un indice tout à fait partiel, qui est celui de l'empreinte carbone, et donc qui est une sous-estimation, puisque ça veut dire qu'ils n'ont pas pu prendre en compte tout l'impact écologique dû, par exemple, ou dérivant de la construction de ces bateaux. Puisque, évidemment, il y a toute l'extraction des matériaux disponibles, y compris des matériaux très rares, comme l'or, par exemple, ou certaines formes de marbre, ou même des métaux rares dans ces bateaux. Donc tout ça, c'est très très difficile à chiffrer, on ne peut pas le faire, et on ne peut finalement... on peut seulement essayer de mesurer l'effet. Donc ils s'en sont tenus à l'empreinte carbone. Et en se livrant à un calcul, ils ont pu montrer que l'impact écologique en termes d'empreinte carbone des 300 plus gros super yachts de la flotte disponible pouvait dégager plus de CO2 que des pays entiers, en fait, hein, que certains pays pauvres du continent africain comme le Burundi. Ou de tout petits pays riches, mais évidemment minuscules, comme le Liechtenstein. Hein, l'empreinte carbone est beaucoup plus importante. Incroyable, mais comment explique-t-on cela ? Eh bien, un super yacht, évidemment, a des effets écologiques à tous les niveaux. Alors, il y a d'abord la dimension de l'extraction dont je parlais tout à l'heure, mais il y a aussi la pollution qui est générée par le simple fait que ce sont des bateaux à moteur pour leur très grande majorité. Et en gros, un super yacht qui fait, disons, 60 ou 70 mètres, hein, pour prendre une taille moyenne, consomme à peu près 500 litres, hein, 400 à 500 litres de diesel par heure. Donc évidemment, il y a toute cette consommation de carburant qui est phénoménale. Il y a toute la pollution qui est évidemment entraînée par les plaisanciers eux-mêmes qui peuvent jeter des choses dans la mer, les détergents, y compris pour nettoyer les bateaux qui sont déversés dans les océans, etc. Et puis moi, je me suis intéressé à quelque chose de méconnu et de beaucoup moins visible puisque c'est sous-marin, qui est la destruction de l'herbier de Posidonie. en Méditerranée. C'est ce qu'on appelle une plante endémique de la Méditerranée, c'est-à-dire qu'elle est propre à une aire géographique donnée, en l'occurrence la partie occidentale de la Méditerranée. Il y en a beaucoup autour de la Corse et autour de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et un des effets ou une des causes de la destruction de cette plante qui est absolument vitale pour l'écosystème méditerranéen, ce sont les superyachts. Or, et évidemment c'est très important pour comprendre la dynamique globale, la réimplantation de la Posidonie est très difficile. On a maintenant depuis plusieurs décennies bon nombre d'études écologiques qui font qu'on connaît maintenant bien l'écologie de la Posidonie. Et la réimplantation est très très difficile, elle est très longue, très lente. Et c'est pour ça qu'il y a un effet, je ne dirais pas d'irréversibilité, puisque ça serait excessif, mais disons il y a des effets de destruction qui opèrent à très très long terme. Si les superyachts révèlent de manière évidente les inégalités sociales au niveau mondial, nous en France, on a décidé d'agir en mettant en place une taxe spécifique sur ces bateaux de luxe. Avec cette taxe, on est censé assurer une forme de redistribution. Alors non, la taxe a fait flop, hein, et en disant cela, je reprends vraiment des manchettes des journaux, y compris dans les journaux proches du milieu d'affaires, sur la question. Il y avait eu en effet, au moment de la création, ou plutôt du passage de l'ancien ISF, de l'impôt sur la fortune, à ce qu'on appelle l'IFI, c'est d'ailleurs le moment où on a parlé des superyachts, hein, les yachts étaient passés par perte et profit, si je puis dire, c'est-à-dire qu'ils étaient sortis du nouvel impôt, ce qui avait créé tout un débat, et donc à la place d'un impôt en bonne et due forme, on avait créé des taxes. Et en réalité, ces taxes, qui étaient une sorte de correction d'une situation que même le rapporteur du budget de la majorité trouvait vraiment scandaleuse, a eu assez peu d'effet, et même en termes de sommes, les sommes engrangées depuis ont été extrêmement faibles, pour ne pas dire dérisoires, par rapport à ce qui était escompté, puisqu'on escomptait à peu près quelque chose comme 10 millions d'euros, et puis en réalité, on a eu au maximum quelques centaines de milliers d'euros. À l'heure où les polémiques se succèdent sur le séparatisme, eh bien voici une autre forme de séparatisme, celui engendré par la multiplication des superyachts, qui continue d'ailleurs de se développer silencieusement. Les superyachts font écho à l'actualité du point de vue d'un thème qui est en vogue actuellement, qui est celui du séparatisme, puisqu'on parle beaucoup d'un séparatisme qui serait de nature, disons, confessionnelle ou religieuse. Et on passe beaucoup sous silence, même si certaines associations font en sorte de le mettre en relief, le séparatisme des grandes fortunes, qui est un séparatisme à la fois symbolique et matériel, hein, et qui peut tout à fait se matérialiser sous d'autres formes, comme celle des villas, par exemple, privées, ou de territoires tout simplement privatisés, mais aussi sous cette forme-là, du superyacht, qui vraiment est une sorte de manifestation physique d'une séparation physique. Hein. Je parle dans le livre d'une idée qui est celle de la réclusion ostentatoire, c'est-à-dire vraiment une sorte de sécession, mais qui est là pour se donner à voir et pour s'afficher. C'était l'exemple que je donnais tout à l'heure avec David Geffen, qui est donc reclus sur son superyacht, et puis qui, par les réseaux sociaux, disons, signale cette réclusion. À quoi sert une dépense ostentatoire si personne ne la voit ? C'est probablement là le paradoxe du superyacht. Il est fait pour naviguer en pleine mer, mais s'il ne reste pas à côté des côtes, seuls certains poissons en souffriront. Voilà pourquoi les superyachts rôdent près de certaines plages. Voilà pourquoi aussi ils empoisonnent et nuisent à toute forme de vie. Superfell a été gâché par Juliette Devaux à la production, dévasté par Louise Loubrieux et Vivien Demeyer à la réalisation et complètement ruiné par Marie-Claire Oumabadi à la technique. Superfell.